Page 37. Activité 7. Piste 28. C'est Martin. Il est marocain. Il a 15 ans. Il habite 25 rue des Pins.